السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة، ومن ذلكم أن يسر لنا الاجتماع لدرس جديد لمدارسة كتاب الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. L'auteur nous dit, rahimahullah, le 14e hadith d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est interdit de faire couler le sang du musulman sauf dans un de ces trois cas: le fornicateur dont le mariage a été consommé, le meurtrier qui sera tué par le même acte qu'il a accompli, et celui qui apostasie de sa religion et se sépare du groupe des musulmans. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith donc montre la sacralité du sang du musulman, une sacralité qu'il est interdit de transgresser ou violer, en aucun cas, si ce n'est dans les cas cités par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Cela comme il a été rapporté sa parole sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, tout le musulman est pour le musulman haram, son sang, ses biens et son honneur. Et cela est pareil pour certaines catégories de gens ne faisant pas partie des musulmans, comme Al-Mu'ahad, qui est celui qui a entre lui et les musulmans un pacte de paix, comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Sulh al-Hudaybiyah, le pacte qui a été fait le jour de l'Hudaybiyah, avant l'ouverture de la Mecque, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes de Quraysh. Ou bien Al-Musta'man, qui est une personne provenant d'une terre de guerre, une terre qui est en guerre avec les musulmans, mais qui entre dans un pays musulman avec un traité de paix, avec un engagement quant au fait qu'elle soit en sûreté, que ce soit pour du commerce, pour de l'achat ou pour autre besoin. Cette personne est obligatoire de s'écarter de son sang, et son sang est préservé par l'islam. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque tue une personne qui est mu'ahad, donc qui a un pacte avec les musulmans, ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc à travers cela, nous voyons clairement l'égarement de certaines sectes comme Al-Khawarij, qui prennent le fait de tuer des non-musulmans en terre d'islam par traîtrise comme faisant partie du djihad fi sabilillah, alors que cela va à l'encontre de ce qu'ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la traîtrise, et fait partie des grands péchés. Et parmi les personnes qui ont le sang préservé par l'islam, ce qui est appelé Al-Dhimmi. Al-Dhimmi, qui est une personne vivant au milieu des musulmans et payant un impôt parmi les gens du livre, à travers lequel elle voit son sang préservé et elle vit au milieu des musulmans. Et un des buts de cet impôt qu'elle paye est de pousser cette personne à entrer dans l'islam, car elle sera d'une manière rabaissée quant au fait qu'elle doit payer un impôt. Et cela la poussera, cela c'est une des causes, la poussant, bi'idnillah tabaraka wa ta'ala, à entrer dans l'islam. Et donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a fait exception de trois cas. Trois cas qui sont premièrement, al-thayyibu zani, Al-Thayyibu Al-Zani. Donc, toute personne ayant forniqué après avoir consommé un mariage valide. Le noble cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah nous dit concernant Al-Thayyibu Al-Zani. Al-Thayyibu Al-Zani est celui qui a eu des rapports dans un mariage valide. Donc, c'est-à-dire une personne ayant déjà été mariée en ayant consommé son mariage. Et cela même s'il commet l'acte de fornication après avoir divorcé. Donc il nous dit, il est celui qui a eu des rapports dans un mariage valide. Et donc s'il fornique après qu'Allah lui ait fait part du bienfait d'un mariage valide, alors il méritera la mort. Et quant à la manière de le tuer, alors elle sera citée plus tard dans la citation des bénéfices du hadith. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc le thayyib est toute personne ayant déjà consommé un mariage valide, homme ou femme. Donc si cette personne fornique après cela, elle méritera la mort par lapidation. Comme cela fut rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs ahadiths, entre autres comme dans le récit de Ma'iz, radiallahu anhu, qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et quant au Bikr, qui est la personne n'ayant pas consommé de mariage, alors sa sanction, dans le cas où il fornique, a été cité dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est de 100 coups de fouet et une expatriation pour une période de 1 an. La personne qui est bikr, donc qui n'a jamais consommé de mariage. Puis le deuxième cas dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait exception dans le hadith est al-nafsu bin-nafs, c'est-à-dire la loi du talion, al-qisas. Donc toute personne qui tue une autre personne sera elle aussi tuée à son tour en rétribution de son acte. Et cela bien sûr sous certaines conditions qui s'apprennent dans les livres de jurisprudence. Et cela ne peut se faire que par le gouverneur des musulmans ou son remplaçant. Il en est de même pour la lapidation du Al-Thayyib Al-Zani. Et quant au troisième cas, il est celui de l'apostat, celui qui délaisse sa religion et se sépare du groupe des musulmans. Comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque change sa religion, alors tuez-le. Man baddala dinahu faqtuluhu, rapporté par Al-Bukhari. Et cette personne, celui qui apostasie, devient pire que le mécréant de base, car elle a goûté à la foi, puis l'a délaissée, ce qui montre qu'il n'y a aucun bien en elle. Donc, trois sentences qui nous montrent premièrement la gravité de ces actes, qui sont la fornication, qui vient transgresser quant à l'honneur des gens, le meurtre, qui vient transgresser quant à le sang, quant au sang et à la vie d'autrui, à propos duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il sera la première des choses sur laquelle seront questionnés les gens, yawm al-qiyama. Puis l'apostasie, qui vient nuire à la religion des gens. Donc, celui qui médite ce hadith et les sentences appliquées aux auteurs de ces actes, qui sont cités dans le hadith, ainsi que les autres sentences venues dans la législation islamique, comme celle du voleur ou autre, voit ce qui vient confirmer les propos des gens de science quant au fait que l'islam est venu avec la préservation de ce qui est appelé Ad-Daruriyat Al-Khams. Ad-Daruriyat Al-Khams, qui sont 5 points d'une importance capitale dans la vie de l'être humain, du musulman. Dans la vie de l'être humain, dans la vie du musulman. Des points que l'islam vient protéger et préserver. Cela à travers certains interdits et à travers les sentences appliquées à ceux qui viennent transgresser ces interdits. 5 points qui sont, premièrement, la religion, ad-din, raison pour laquelle l'apostat est tué, afin qu'il ne soit pas une tentation et une cause pour qu'autrui le suive dans cela. Car si les gens voient cette personne sortir de l'islam, cela pourra être une tentation pour l'autre personne et mener à ce que d'autres personnes le suivent dans cela, un acte qui mènera à ce que ces personnes soient perdantes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc à travers le fait que l'apostat soit tué, cela vient préserver la religion des gens. Deuxièmement, l'honneur. Al-Ird. Raison pour laquelle la médisance, à titre d'exemple, l'accusation d'adultère sans preuve et autre chose portant atteinte à l'honneur du musulman et du croyant sont interdits et une sentence a été appliquée pour certains cas. Entre autres, celui qui calomnie un musulman, chaste, et l'accuse de fornication sans preuve. Donc pour lui, il aura une sentence pour cela. Donc tous ces points qui viennent comme étant une cause permettant de préserver l'honneur des musulmans. Et parmi ces points, la préservation de la descendance al-nasl, Donc la fornication et tout ce qui y mène a été interdit. Et le fornicateur, comme cité, ayant déjà consommé un mariage valide, mérite la mort. Et cela va venir empêcher l'atteinte à l'honneur des gens à travers ces actes-là. Nous avons aussi le sang du musulman et sa vie. Raison pour laquelle le meurtre est interdit et le tueur sans droit mérite la mort, afin que cela empêche autrui d'accomplir ce même acte. Car si la personne sait que par cela, elle sera aussi tuée comme elle l'a fait, alors cela sera une cause pour qu'elle délaisse cet acte. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ » Et vous avez certes dans le qisas, qui est la loi du talion, « حَيَاتٌ » une vie aux gens d'où l'intelligence. Cela car la loi du talion, al-qisas, est une cause pour que la vie des gens soit préservée. Car comme cité, celui qui sait qu'en tuant, il sera tué, alors cela va le pousser ou l'empêcher d'accomplir cet acte. Donc à travers cette sentence, Allah subhanahu wa ta'ala préserve la vie de beaucoup de gens. Nous avons ensuite, parmi ces daruriyat al-khams, al-aql, la raison. La raison. Raison pour laquelle il est interdit, à titre d'exemple, de consommer des boissons enivrantes, telles que le vin ou autre, ou la consommation de substances venant nuire à la raison. Donc l'islam est venu pour préserver ces cinq points qui sont la religion, l'honneur, la raison, la descendance et la vie, le sang des musulmans. Donc ce qui vient confirmer ce qui est cité par les gens du sens quant au fait que l'islam est venu pour apporter tous les profits et bénéfices dont a besoin le musulman. Et à l'inverse, de repousser de lui tout ce qui va le nuire dans ce bas monde et dans le-delà. À travers certains actes qui sont interdits, certaines sentences qui contiennent une immense sagesse et une miséricorde provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui médite cela. Puis l'auteur rahimahullah nous dit le 15e hadith. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il honore son voisin. Et quiconque croit en Allah et au jour dernier, honore son invité. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith fait aussi partie des hadiths montrant que l'islam appelle à tout bon comportement et au délaissement de tout mauvais comportement, vil ou méprisable. Donc ce hadith, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité en premier lieu la foi en Allah et au jour dernier. Quiconque croit en Allah et au jour dernier. Comme cela vient souvent dans le Coran et se répète à certains moments. Quant à la foi correcte en Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle pousse le serviteur à s'accrocher à son Seigneur seul, dans ses peurs, dans ses espoirs, tout en l'aimant lui seul subhanahu wa ta'ala. Ce qui va le pousser à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses actes. Parmi ceux-là, les actes cités dans le hadith. La bienfaisance envers le voisin, l'invité et le fait de prononcer des bonnes paroles ou de se taire. Et quant à la foi en l'au-delà, donc elle est un pilier de la foi et une des plus grandes causes qui pousse le serviteur à accomplir les œuvres pieuses. De par ce qu'il espère comme récompense ce jour-là, et ce qu'il craint comme châtiment. Puis quant à ses propos, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dise du bien ou se taise, le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous cite que le bien voulu par ce hadith est de deux types. Premièrement, le bien dans les paroles en elles-mêmes, comme le fait que la personne évoque Allah, le glorifie, le loue, lise le Coran, ordonne le bien et interdise le mal. Donc un bien qui va être dans les propos en eux-mêmes. Puis quant au deuxième, il est le bien quant à l'intention de celui qui parle. Comme le fait que la personne dise une parole qui n'est pas un bien en elle-même, c'est-à-dire qui n'est pas un vicle ou autre, point cité précédemment, mais qu'elle dise des propos qui font entrer la joie en ceux qui sont assis avec lui. Donc, cela est un bien pour ceux qui en découlent, comme proximité, éloignement de la solitude et familiarité. Intaha kalamuhu rahimahullah. Puis sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Il nous dit, rahimahullah, c'est-à-dire le voisin de l'habitat. Mais ce qui apparaît du hadith est que cela est plus général et englobe aussi le voisin du lieu de travail, comme le voisin de la boutique. Mais le voisin du lieu d'habitation est plus apparent dans le hadith Et plus la personne se trouve proche de toi, plus son droit est immense. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc le hadith englobe le voisin de l'habitat qui entre en premier lieu dans le hadith, qui est toute personne qui est voisine à la personne dans son lieu d'habitation. Donc celui-là, il est obligatoire de l'honorer. Et aussi le voisin du lieu de travail, comme le cite le cheikh rahimahullah. Et quant à la manière d'honorer le voisin, alors elle n'a pas été citée et délimitée dans le hadith. Donc cela revient à ce que les gens ont pour habitude de considérer comme une manière d'honorer son voisin. Donc cela sera différent d'un lieu à un autre. Cela sera différent d'un lieu à un autre. Et à l'inverse, il est interdit à la personne de nuire à son voisin. Comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. » Ils lui ont dit qui, sallallahu alayhi wa sallam ? Il a répondu « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. » Donc il est obligatoire aux musulmans d'honorer, d'être bienfaisant envers son voisin et de s'écarter de toute forme de nuisance envers lui. Et il faut savoir que le voisin est de trois catégories, de trois types. Quant au premier, il est le voisin qui a trois droits, qui sont premièrement le droit de l'islam. Donc le voisin qui est musulman. Deuxièmement, qui aura le droit de Al-Qaraba, c'est-à-dire qu'il sera un proche. Troisièmement, le droit de Al-Jiran, du voisinage. Donc celui-là a trois droits qui sont réunis. Al-Islam, Al-Qaraba, donc qui est un proche, ou Al-Jiwar, donc qui est un voisin. Quant au deuxième, il est celui qui aura deux droits. Al-Islam ou Al-Jiwar, donc le musulman qui n'est pas un proche de la famille, mais qui est un voisin, donc il aura deux droits. Quant au troisième, qui est le mécréant, qui a quand même un droit, qui est celui du Jiwar. Donc il est obligatoire de le préserver de son mal et d'honorer son voisin. Puis sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il honore son invité. Donc une chose qui fait aussi partie de noble comportement et noble caractère avec lesquels sont venus l'islam. Donc le fait d'honorer son invité par des bonnes paroles, par un visage souriant et par toute chose mettant à l'aise son invité. Et encore une fois, la manière de l'honorer sera différente selon ce que les gens ont pour habitude de considérer comme étant une manière d'honorer son invité. Et sera différente aussi selon la personne, selon l'invité. Car certes, les invités ne sont pas les mêmes. Une personne qui aura un haut rang social, un haut rang religieux, scientifique, à titre d'exemple, ne sera pas comme une personne qui n'est pas de ce rang-là. Donc la personne honore son invité selon ce qui est considéré comme étant une manière d'honorer son invité et selon ce qui est selon la personne se trouvant selon la personne qui est considérée comme un invité à ce moment-là. Et quant à la période pendant laquelle la personne doit honorer son invité, donc il est venu dans le hadith la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a délimité cela de un jour et une nuit, donc l'obligation. Puis ensuite, cela sera une sadaqa, donc cela sera préférable pour la personne d'accueillir une personne étrangère, donc dans son habitat, de lui accorder un lieu où dormir et de lui accorder de la nourriture et de quoi se nourrir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans son noble livre sa parole d'après le sens du verset. Et soyez bienfaisants. Certes, Allah aime les bienfaisants. Donc tout cela fait partie de la bienfaisance et du noble caractère venant montrer certains des mahasin de l'islam. Cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous compter parmi ses serviteurs qui écoutent la parole et en suivent ce qu'elle contient de meilleur. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.